Bon, j'ai réécouté comme il faut la dernière vidéo par rapport à ça. Pour le dernier direct, je pense pas que ça fasse référence à moi, là. Mais la vidéo, je réécoutais ça, je me dis, d'après moi, il parle de moi. Donc non, puis il dit, c'est pas dans ce que je dis, mais la vibration que j'ai. Donc bon, oui, c'est de l'interprétation, désolé. Moi, je ne fais rien que donner mon opinion. Puis je le fais le plus honnêtement possible. C'est pas de ma faute, là, si la consultation, j'y crois pas plus qu'il faut. Puis que je pense que c'est pas là que ça se passe le plus. Bon, est-ce qu'il faudrait que je me censure? Puis bon, puis aussi, là, maintenant, ça finit que je me dis, non seulement il y a des interprétations, mais il y a peut-être des affaires, j'ai dit, puis ça serait pas la première fois que la personne. À s'en viser, mais ça n'a pas rapport avec moi, là, au niveau de mes propos, là. Donc, à un moment donné, c'est de l'enfantillage. Puis, on peut aussi une certaine instabilité. Les gens avec qui j'ai collaboré par rapport à, comme le partenaire de parole que j'ai eu, ou bien David Lévesque, c'est du monde d'une certaine stabilité, puis il n'y en a jamais eu. Il n'y en avait pas à répétition comme ça, ce que j'appellerais, puis je vais oser le dire, du délire de persécution, puis de l'instabilité. De l'instabilité psycho-affective. C'est bien beau, là, d'avoir souffert d'un climat dur, là, dans les écoles de quartier pauvre, mais à un moment donné, il va falloir en revenir. Il va falloir sortir de l'ambiance de ces époques-là. Parce que. Bon, c'est bien dommage, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. En plus, c'est par hasard, entre parenthèses, que je me suis rendu compte de ça, parce que je m'occupais pas suffisamment là, de ce qui se passait, puis je suis pas à l'affût, ben. Mais c'est de l'enfantillage. Moi, je considère que c'est de l'enfantillage. Moi, contrairement à d'autres, il n'y a pas chicane réconciliation, chicane réconciliation. Quand quelqu'un est instable à ce point-là, moi, c'est final. Donc, à un moment donné, puis oui, ça aurait peut-être été mieux de m'écrire en privé. C'est quoi le problème, là? Parce que là, oui, moi, je considère que, bon, il y a des forces qui servent de. Qu'est-ce que vous voulez que j'interprète ça comment? Que je vois ça comment? Parce que dans le fond, il n'y a rien, puis il s'est rien passé. Puis là, tout d'un coup, je vois l'autre, bon, OK. Mais. Je passerai pas, je mettrai pas d'énergie là-dessus. Hein? C'est bien dommage, mais là, c'est aussi la polarité, là, de passer à une espèce d'admiration exagérée dont je veux pas, à tout le temps, d'espèce de ressentiment frustré. La vibration est comme ça, là. Puis là, oui, à un moment donné, ça vient que ça a le dos large, mais je veux dire, c'est cristallisé dans des faits, là. Pas être tout seul qui s'en rend compte. Donc, ces espèces d'instabilité-là, moi, ça m'intéresse pas, là. Je n'ai pas à composer avec ça. Donc, moi, c'est juste ce genre, je m'en occupe plus, puis t'existes plus. Ben, je vais faire d'autres choses. Fait, tu peux faire dire ce que tu veux de ton bord. C'est pas grave, je m'en fous. Donc, c'est aussi simple que ça, mais il reste que oui, c'est un petit peu peinant, parce que je vois, il y a vraiment de la mésinterprétation, là. Mais là, bon, il y a quelqu'un qui fait de la consultation, maintenant, qui te rejette, puis là, t'es pas content, puis là, oups, il y a réconciliation, ce qui, moi, sera jamais de même avec moi, il n'y a pas d'aller-retour à pu finir de même, là. Puis là, tout d'un coup, oups, l'énergie, elle retourne contre moi. Pourquoi? Pour des affaires d'opinion, dans le fond. Ben, allez-y, faites ça de la consultation, donnez-en. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai jamais dit, j'ai juste donné mon opinion. Puis j'ai jamais dit qu'un tel était. En tout cas, à part certains cas, là, qui n'ont même pas rapport avec nous autres, mais je n'ai jamais pensé que ça ne servait pas non plus, toute sœur. Mais là, si on ne peut pas. S'il faut tout le temps se surveiller, hein, pour ne pas blesser les sensibilités. À fleur de peau. Moi, c'est bonne valeur, mais j'aime mieux pas m'en occuper puis continuer à faire ce que je fais. Parce que, bon, sinon, je tomberais dans le piège, là. Mais à un moment moment donné, c'est du délire de persécution quelque part, puis c'est de la projection. Puis là, l'affaire, la vibration, attention, attention, parce que ça sert de support pour toutes sortes d'affaires. La sensibilité exacerbée. Pourquoi il y a certaines strates, ça va, semble-t-il, être obligé de passer par le système sanguin? Parce qu'il passe par le sang. Bon, ben. Ouais. À un moment donné, on reconnaît un peu, là. Je veux dire, j'ai déjà vu ça avant. Fait que c'est ça. Puis moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas l'intention de revenir là-dessus, là. C'est comme si c'était, bon, ce serait une perte d'énergie, une perte de temps. Puis c'est pas vrai, ça, que au niveau de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté de ce milieu-là, que si on me pose une question, que je vais m'empêcher de dire ce que j'en pense. Je vais toujours être quand même fluide. Les autres, ils ont juste à faire pareil de leur bord. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme ça bifurque, puis c'est pas frontal, puis... Moi, j'écris en privé, mais ça donne, j'ai pas de réponse. Mais je réécoutais, puis moi, je me suis jamais présenté comme une autorité, là. Quand je donne mon opinion, je le dis. Dans le fond, c'est mon opinion subjective à moi, puis c'est mon ressenti à moi. J'ai jamais demandé que ça fasse autorité. Au contraire, il faut tout le temps que la personne ait sa propre vue. C'est de ça dont je parle. Le reste, là, ce qui est de l'ordre de l'opinion puis de la forme, ben ça, c'est justement, il faut développer un certain discernement. Mais à un moment donné, ça devient sur de l'agressivité, puis je vois ça comme du délire de persécution. Il y a du monde, ils peuvent pas s'empêcher. Ils rentrent dans une place, puis ils entendent rire le monde, puis là, il faut qu'ils regardent si c'est du monde qui rit d'eux autres. C'est de la paranoïa à un moment donné, là. C'est pas normal de se sentir agressé tout le temps. Hein? Alors regardez-les, ça. Parce que moi, bon, personnellement, je me sens même pas visé tellement c'est illusoire puis de l'enfantillage. Puis, j'ai pas à faire de la drama, moi, du drama. Je suis pas Anna Nicole Smith, moi, là. Bonne journée.